Shōei Yun, la courtisane. Un haut chignon. Des coques en ailes de phénix coiffant ses cheveux de jais. Les joues de porcelaine. Des pieds délicats. Elle avait 15 ans, Shōei Yun, et la taille si fine qu'au moindre souffle on craignait qu'elle s'envolât. Au pavillon bleu, elle était la plus sollicitée des courtisanes. Une heure en sa délicieuse compagnie valait 13 pièces d'or. Sa mère jalousement y veillait. Mais il est vrai qu'elle chantait comme le rossignol prunier. Ses doigts vous effleuraient comme la rosée. Et le regard de ses yeux noirs était déjà une caresse. On venait de loin, dans la petite ville de Yuhang, pour l'admirer. Elle servait le thé, jouait de la sitar, et même aux échecs avec ceux dont la bourse était modeste. Seuls les riches marchands, quelques mandarins de passage, la suivaient dans les appartements privés. Parmi ses admirateurs, il y avait un beau jeune homme pauvre, un artiste, qui la regardait de loin avec ferveur. Un jour, il put réunir assez d'argent pour offrir à Shōei Yun un modeste présent. Il s'avança au milieu des prétendants. Leurs yeux, un bref moment, se croisèrent. Et à l'instant, une douceur inconnue envahit leur cœur. Ho Huo, dans sa main, tenait un poème. Il le donna à la jeune fille. Elle le prit sans un mot. Le lendemain, il était là, mais il n'avait plus assez d'argent pour offrir un nouveau présent, et il ne put s'approcher. La terrible marâtre veillait. Un tableau qu'il vendit permit enfin à Ho Huo d'acheter un cadeau honorable. Il fut autorisé à prendre le thé en compagnie de sa bien-aimée. Ils parlèrent peu, et suivant le rituel, car chacun les observait. Mais en s'inclinant dans un sourire, pour lui signifier la fin de l'entretien, Shōei Yun glissa un billet dans la main du jeune homme. Le cœur battant, Ho Huo le lut dès qu'il fut hors de vue. Ainsi était-il écrit. Automne de pluie et de vent, mélancolie. Soudain paraît mon ami, et mon cœur est guéri. Et quelques lignes plus bas, il déchiffra un second poème qui l'émut jusqu'aux larmes. Les bateliers, elles, les voyageurs. Certains traversent, moi pas. Certains traversent, pas moi. Tout était dit. L'amour, l'espoir, la promesse.